On est content de vous retrouver ce soir sur Radio Mon Pays, donc 90.1. Il est 19h01. Et donc on vous retrouve pour cette émission de Blue Dat Roots du mois de juin, après l'émission de déconfinement du mois d'avril. Et ce soir, on va vous parler de rock'n'roll. Donc on va parler de rock. On se retrouve avec Benoît à la technique et votre humble serviteur Pierre-Julien. Derrière le micro, Stéphane devrait pas tarder à nous rejoindre pour discuter autour de cette musique emblématique de la fin des années 40 et début des années 50, influencée fortement par le rhythm and blues, la country également. Et tout de suite, on va écouter Rosetta Tharpe. On va commencer par une femme donc, qui va nous interpréter Rock Me et Didn't It Rain, suivi de Fats Domino avec Ain't That a Shame et Blueberry Hill. On commence avec cette interprétation de Didn't It Rain de Rosetta Tharpe lors du Folk Blues Festival qui a lieu en Angleterre, pas loin de Manchester il me semble. J'ai une petite dédicace à Juste Romain qui nous écoute peut-être et qui aime beaucoup cette chanson. that I'm singing. Much my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bite. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in thou bosom. Tell a son the life is over in the cradle of thy love. Take me to your blessed home above. Faith I'm maintaining, I just go on uncomplaining. But before this time another year, oh, my life may all forsake me, and death may overtake me. But if I am with him, I have no need to fear. You just hide me in thy bosom. Tell the storm of life is over. Rock me in the cradle of thy love. Oh, defeat me. Hell, I want no more. Then you take me. Your blessed home above. Oh, make my journey brighter. You just make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thy presence thrill me. Thy loving kindness fill me. Then you hold me in the hollow of thy hand. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? Tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Mm-hmm. Voilà, donc c'était Rosetta Tharpe et Fats Domino. Donc c'était pour rappeler un petit peu les influences blues, R&B. Mais on commence à entendre du rock'n'roll sur Fats Domino, qui en jouait peut-être d'ailleurs sans même le savoir. Et on l'a entendu sur End All Shame, qui sera reprise plus tard par d'autres artistes comme John Lennon par exemple. Donc le rock'n'roll influence R&B, comme on le disait. Et le R&B, ben, le père du R&B, c'est un peu Chuck Berry, quoi. Chuck Berry, donc, que vous connaissez certainement tous un petit peu. Au moins, si vous avez vu Retour vers le futur avec le fameux Marty qui fait une reprise au Bal des Sirènes en 1955. Vous vous en souvenez, donc, Chuck Berry, emblématique du R&B. Qui a fait ses débuts chez Chess Records, bon, qui a eu une influence importante chez des mecs comme Keith Richards, des Rolling Stones, Jimi Hendrix ou les Beatles encore. Keith Richards d'ailleurs, vous pouvez retrouver certaines vidéos où, sur YouTube où on voit Chuck Berry apprendre à Keith Richards à faire ses riffs. Bref, on va écouter du coup ce qu'il nous propose comme R&B Chuck Berry. Et on va écouter donc Johnny B. Goode, le Route 66, un blues qu'il nous joue, donc, qui s'appelle le Wildlife Blues, et You Never Can Tell, qu'on entend dans Pulp Fiction en 1994, dans le film de Quentin Tarantino. Chuck Berry. Your kicks on Route 66. Voilà, donc c'était Chuck Berry avec Johnny B. Goode, Route 66 et You Never Can Tell. You Never Can Tell que vous avez entendu encore une fois dans Pulp Fiction, je pense. Et à un moment critique où ils se tapent leur burger, donc Vincent Vega et puis la petite nénette là, il y a un serveur déguisé en Buddy Holly dont on reparlera un petit peu tout à l'heure si vous en souvenez. Mais on va passer à la suite. Stéphane nous a rejoint en studio. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Julien, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ça va, alors il en est où ce bon vieux rock'n'roll ? Ah bah, ce bon vieux rock'n'roll, on était encore en train de parler de ce qui se passait avant, les influences rhythm and blues. Et donc t'arrives avec un peu de bagage quoi. Alors j'ai un peu de bagage, mais il faudrait que j'ai un micro qui marche. Ouais, c'est ouais, ce serait pas mal. Hein. Le micro marche ? Non. Le micro marche pas, ok. Donc, et là, ça marche. Ah, voilà. Ah. Donc, je reprends. Yeah. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour Stéphane. Père Julien. On m'a censuré. Mais forcément, le dictateur est revenu dans les studios. Il n'a pas oublié, le coquin. Donc, je te demandais effectivement où on était de bon vieux rock'n'roll. Et tu me disais qu'on était. Bah, on était encore dans les prémices, voilà, avec le rhythm and blues qui a fortement inspiré le rock'n'roll, qui est lui-même inspiré de blues et de country music. Et donc, là, on parlait de Rosetta Tart, Fats Domino, Chuck Berry. Et là, du coup, t'es arrivé avec un peu de matériel parce qu'il se passe encore quelques trucs aussi, hein, avec des. John Newker, je sais plus. Alors, il se passe sur John Newker, ce sera le deuxième morceau. Alors, John Newker, c'est un choix parce qu'il fait un peu la transition sur les trois émissions de rock qu'on va faire, à savoir le côté d'où vient le rock avec le rhythm and blues. Après, avec le morceau qu'on va entendre vraiment le rock'n'roll, Rock With Me. Et puis, c'est surtout un musicien qui, durant cette période-là, n'était pas forcément connu ou reconnu. Et c'est dans les années 70, surtout avec. Ce qu'on verra à la dernière émission, enfin, que tu nous prépares déjà, avec des groupes comme les Rolling Stones ou les Doors, enfin, tous ces groupes-là qui ont été le récupérer, et c'est vraiment là où il a commencé vraiment à avoir un gros succès. Donc, John Newker, c'est pour ces trois périodes. Mais avant cela, on est en 1951, qui est considéré comme un des premiers morceaux rock'n'roll, enfin, un des premiers, parce qu'il y en a plusieurs, avec notamment Ike Turner qui sera le mari, mauvais mari de Tina Turner, mauvais mari, mais mari et producteur. Tristement célèbre. Mais qui était un super musicien, quand même. Donc, premier morceau, Ike Turner, Rocket 88. Alors du coup, je pose pas la question, est-ce qu'il faut séparer l'artiste de l'œuvre ? C'est vrai. Non, on va pas revenir dessus. Okay. Je connais pas trop son œuvre, on peut la bouger. Ok, bon, mais c'est pour la tranche d'histoire et puis voilà les questions morales. Oui, on va pas y revenir dessus. Donc, Ike Turner pour un premier morceau 1951 qui fait très rock'n'roll déjà, et après Johnny Hooker. You women have heard.

tonight. I feel alright, alright. I feel alright, I feel alright, mama. Come on, baby, come on, baby, come on, baby. I want you to boogie with me, baby. I want you to boogie with me, baby. Hey. Hey. Boogie with me. Do the jump. Do the twist. Do the shout. Funky chicken. Mama, put your hand on your hip. Let your backbone slip. Let your, hey mama, little mama, hey mama, hey, hey, hey, hey. Blue Dat Roots, 19h36, sur les ondes de Radio Mon Pays, 90.1, Rock'n'Roll, opus 2, à toi Pierre-Julien. Merci Stéphane. Ah, c'est chaud là, j'ai la pression un peu, mais bon, voilà. Donc on est revenu un petit peu sur les bases du rock'n'roll avec cette forte influence de rhythm and blues, inspirée par le blues, forcément, et puis la country aussi. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, quoi, avec cette date incontournable qui est 1954 dans l'histoire du rock'n'roll, et notamment le générique de Graines de violence, interprété par Bill Haley and the Comets, qui nous fait Rock Around the Clock. Donc c'est un peu l'année zéro. Alors je vais citer, mais j'ai plus le nom de la personne qui dit ça, mais bon, c'est pas grave, voilà. C'est un peu le point de départ du rock, l'année zéro du rock'n'roll en 2 minutes et 8 secondes. Alors, pour certains. Voilà. Pour un observateur de l'histoire musicale, on va dire. Bill Haley and the Comets, donc Rock Around the Clock, gardez bien ça en tête, c'est un peu le point de départ de l'histoire du rock'n'roll, c'est un peu le départ de cette étiquette marketing, si j'ose dire, hein, qui... parce que bon, il y a un peu ça aussi. Oui, c'est surtout ça. C'est une étiquette marketing qui a été un peu inventée pour éviter de mélanger dans les bacs à disques la musique blanche et la musique noire. Oui, puis il y avait aussi le vecteur télé. C'est-à-dire que c'est passé à la télé et tous les morceaux qu'on écoutait avant ne passaient pas à la télé, voire très peu à la radio. Donc il y a eu. Le vecteur télé a été très important. Voilà. C'est vraiment le côté marketing du rock'n'roll, c'est ça. Ouais, d'où, quand tu parlais de la personne qui disait l'année zéro du rock'n'roll, voilà, grand public, on va dire. Ouais, c'était même peut-être qu'il y avait de plus important dans cette émission. D'ailleurs, Graines de violence, ça parlait d'une rupture générationnelle. C'était l'histoire d'un professeur jeune, inexpérimenté, qui arrivait dans un lycée professionnel et qui entrait en conflit avec ses élèves. C'est pas Retour dans le futur, ça? le professeur. Alors, il y a aussi cette affaire-là dans Retour vers le futur, mais bon, là, Graine de violence, voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps que l'un des premiers morceaux de rock'n'roll reconnu sorte un peu sur les ondes, ce soit aussi dans un film qui parle de rupture générationnelle, et c'est ce que sera le rock'n'roll, en fait. Ouais, et on y reviendra d'ailleurs sur cette histoire, cette petite anecdote de rupture générationnelle entre rock'n'roll, quand on arrivera au King. J'en parle. Ah, avec grand plaisir. Mais tout de suite, on écoute Bill Haley and the Comets. C'est Rocker and the Clock et on se retrouve tout de suite après parce qu'on voilà, on va parler aussi de Little Richard, de Carl Perkins, de Eddie Cochran, de Buddy Holly, de Elvis Presley aussi. Et on vous laisse découvrir Rocker and the Clock. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your slat rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, voilà, donc c'était Bill Haley and the Comets, Rocker and the Clock, le point de départ du rock'n'roll, la rupture générationnelle en 2 minutes et 8 secondes. Alors pour information, le rock'n'roll ça vient aussi ce terme d'un certain DJ qui s'appelle Alan Freed en 1951 qui tenait une émission qui s'appelait le Moondogs Rock'n'Roll Party. Et qui n'hésitait pas à balancer de la musique du diable à une époque où on était encore chez les Wasp, les bien-pensants, etc. Et qui signera d'ailleurs des textes pour Chuck Berry, et qui est mort un 20 janvier 1965 à l'hôpital, alors même qu'on le chargeait pour des histoires fiscales un peu cheloues, quoi. Je fais une petite parenthèse sur ce que tu dis, ce qui est marrant, c'est que le rôle des DJ à cette époque, parce que c'était quand même eux qui détenaient... Le succès ou pas d'une chanson, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un lobbying auprès des DJ, voire à payer les DJ pour qu'ils passent les disques. C'était quand même en gros là, DJ stagiaire qui se désintéresse totalement de ce qui se passe dans le studio pourrait faire beaucoup d'argent, parce que c'est vraiment, enfin il faut voir que l'industrie du disque c'était vraiment ça, c'était vraiment ceux qui avaient la mainmise sur la musique, c'était les DJ, et si absolument, les DJ ouais, n'aimaient pas le morceau passait pas, et on passait à autre chose, quoi. C'était... Ouais. Et d'ailleurs, on note que souvent, les DJ étaient aussi producteurs, entre parenthèses. Bah oui. Ouais, il faut sûr, prêcher dans sa paroisse. Et que derrière, peu, dans si les producteurs, il y avait toute la mafia. Enfin, voilà. C'est QFD. Ouais, ouais. On fait un petit bisou à Laurent, d'ailleurs. Ouais. Et en, qui nous écoute peut-être. Peut-être. Et deuxième parenthèse sur les DJ, un petit clin d'œil à un film qui est passé durant le confinement, je fais le lien avec l'autre émission, Down by Law. De Jim Jarmusch, l'histoire de trois prisonniers, alors Tom Waits, Roberto Benigni et John Lurie. Et Tom Waits a justement cette vocation de DJ. Et alors, si vous regardez le film, il y a un passage qui est absolument extraordinaire où il est en prison et John Lurie lui demande de faire son speech de DJ avec la voix de Tom Waits. C'est extraordinaire. Quoi. Bref, je ferme le parenthèse. On vous conseille Don Ballo, du coup, avec Tom Waits et puis Roberto Benigni, qu'on connaît pour d'autres succès. Et on revient sur le rock'n'roll, on va parler d'un autre père fondateur, entre guillemets, avec Chuck Berry, en la personne de Little Richard, donc avec certains de ses titres les plus connus, hein, d'ailleurs, qui est mort pendant le confinement, le 9 mai 2020, bon, pas du Covid, mais d'une maladie bien plus grave. Hein. Et qui a participé indirectement, on est tout de suite à la naissance, mais qui a participé indirectement au déclin, enfin je veux dire, à l'aseptisation du rock'n'roll, puisque très vite, il a arrêté pour devenir pasteur. Ouais, adventiste du septième jour. j'ai travaillé, attention. Ouais, en 58 d'ailleurs. Et puis ouais, il reviendra à la musique profane en 1960. Il va partager l'affiche par la suite avec les Beatles, les Rolling Stones, enfin avec plein d'artistes dans la suite de sa carrière, comme beaucoup d'autres, hein, comme Chuck Berry. Bon. Et donc Little Richards, on va écouter tout de suite Tutti Frutti, Long Tall Sally, Ready Teddy, et puis si on a le temps, peut-être une quatrième. Me, yes indeed, boy, you don't and roll. Going to the corner, pick up my sweetie pie. She's the rock and roll, baby, she's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, ready. Rock and roll, all the flat top cats and our dungaree dogs are headed for the gym to the soccer ball. The jumps really jumping, the cats are going wild. The music really set my dear the great style. I'm ready, ready, ready, ready, ready. Pick up my sweetie pie. She's the rock and roll baby. She's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, and I'm ready, ready, ready, and I'm ready, ready, ready, and I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and our dungaree dogs are headed for the gym to the soccer ball. The jumps are really jumping, the cats are going wild. The music really set my dance crazy style. I'm ready. Rock and roll, gonna kick on my shoes, roll up my faded jeans, tell me rock and roll, baby, pour on the steam. I shuffle to the left and I shuffle to the right, gonna rock and roll till the early, early night. I'm ready, ready, ready, and I'm ready, ready, ready, and I'm ready, ready, ready, and I'm ready, ready, ready, ready to rock and roll. Voilà, donc c'était Little Richards avec ses morceaux, je pense, les plus emblématiques qui sortent voilà, en 56-57. Et puis, ben, à la même époque, il y a un jeune blanc qui se ramène au Sun Records auprès de Sam Phillips à Memphis et qui nous chante That's Alright Mama, vous le connaissez, c'est Elvis Presley. Est-ce qu'on le présente ? Vous le connaissez bien. Ouais, vous le connaissez bien, ouais. Enfin, si vous avez suivi un peu. Quoi. Oui, alors Elvis, ouais. Moi je voulais revenir sur ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'on va en parler tout au long de l'émission, où on peut considérer que le rock'n'roll c'est le premier mouvement intergénérationnel, c'est-à-dire c'est vraiment l'opposition de toute la partie ado avec les familles établies, enfin les parents. D'accord. Et alors ce qui est marrant, c'est que celui qui est considéré comme le king du rock'n'roll, le king, ouais. Le king, c'est Elvis, son premier morceau, That's Alright Mama, il l'a fait pour sa mère. Absolument. Il a été enregistré sur son disque pour le donner à sa mère. Donc, ouais. C'est ce côté assez, cette anecdote assez marrante, quoi. Il fait le disque pour sa maman, et à côté de ça, c'est le mouvement qui est les jeunes contre les adultes. C'est ouais. Vrai. Et d'ailleurs, son impresario, le colonel Parker. Qui fera son premier numéro avec Heartbreak Hotel, qu'on va écouter tout de suite en 56, avec l'argent de son titre, il va acheter une Cadillac Rose à sa mère. Et... comme quoi, on n'a qu'une mère. Hein. Je te fais un bisou, maman. C'est mignon. Voilà. Ça, c'est dit. Et puis, Elvis, c'est aussi 600 millions à 1 milliard de ventes, selon les estimations. Donc, ce qui en fait l'un des plus gros vendeurs de disques de l'histoire de la musique. Voilà, donc, bon, on ne va pas en dire plus, hein, mais vous le connaissez déjà bien. On va écouter Don't Be Cruel, Heartbreak Hotel et Hound Dog de Elvis Presley. Voilà. Donc là, on est entre 55 et 58, date à laquelle il part faire son service militaire. Et on en dira plus après, ces trois morceaux sur Elvis. On a quelques petites choses à rajouter quand même. Avec grand plaisir. Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely. I'll be just a lonely. They could die. Now the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street. They'll never, never look back and think of so. I'll be just a lonely baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely. They could die. you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Yeah. Elvis, donc. Alors, Elvis, on va y revenir plus tard. Enfin, je veux dire, dans l'idée où on parlait de la naissance du rock, il y a vraiment des puristes intégristes qui considèrent qu'en fait, le rock est mort à la naissance d'Elvis. La naissance d'Elvis, elle a été chantée, elle a été imaginée, interprétée par... romancée, peut-être. Romancée un peu, ouais. par un crooner australien qui a eu un défaut air d'Elvis dans la Gomina, un petit peu. Nick Cave. Nick Cave qui fait un morceau qui s'appelle Tupelo. Tupelo, c'est la ville où est né Elvis. Absolument. Qui reprend l'historique. En fait, Elvis, sa mère, il y a eu deux jumeaux et un qui est mort. La légende, alors il y en a qui ont créé une légende que le jumeau mort aurait été noir. Et donc, parallèlement, le rock'n'roll noir se serait éteint, le rock'n'roll blanc aurait continué sa route avec un succès. Enfin voilà, c'est imaginé. Nick Cave, il va pas là-dedans. Nick Cave, il explique dans cette chanson Tupelo la naissance du roi. Le king. Mais dans cette... Parce que, bon, certes, c'est romancé. Mais on y voit une belle métaphore du hold-up, en fait, des blancs sur la musique noire, si je veux dire. Dans un sens, qu'on développera certainement de plus en plus, voire dans les dernières émissions. Mais oui, c'est cette idée de dire que... Alors... Toujours pareil, Elvis, c'est lui qui a permis de faire connaître certains chanteurs afro-américains. Mais d'un autre côté, on verra plus tard dans l'émission qu'au bout d'un moment, le rock'n'roll noir, si on peut appeler ça comme ça, disparaît ou perd sa saveur. Et il ne restera plus que du rock'n'roll blanc. Et ils vont se déporter d'ailleurs sur d'autres musiques. Hein, notamment la soul. Qui va arriver en force. Il y a le gospel qui va faire le retour en force avec un mélange de rhythm and blues qui va donner la soul, après la funk. Et puis de plus en plus, ça va se déporter jusqu'au rap, etc. Enfin, voilà. Y a de ça. D'où cette légende de ce jumeau noir mort-né et le blanc qui chante le succès. Tupelo Nick Cave. Ensuite, on mettra un morceau, mais la version originale en fait de That's Alright Mama, c'est le morceau qu'on a entendu d'Elvis, mais qui existait bien avant. Pour dire que, le rock'n'roll n'est pas forcément né avec Elvis, peut-être est mort avec Elvis. Il n'empêche qu'il peut être considéré comme le roi du rock'n'roll pour tout ce qu'il a fait. Là-dessus, il n'y a aucun. Enfin, je ne suis pas. Mais du coup, il y a une théorie alternative sur la mort du rock'n'roll. Ce ne serait pas à la naissance d'Elvis, mais aussi au moment où il part service militaire en Allemagne, où là, effectivement, il va être, il va déjà consentir à aller faire son service militaire. Bon, c'est déjà une chose. Et puis, il y a sa maman qui va mourir pendant cette période de 2 ans, jusqu'en 1960, où il va revenir effectivement de son service militaire, où il va être décrié pour l'avoir fait, parce qu'il y a une certaine conscience un peu anti-militariste qui commence à naître. Côté rebelle, ça fait moyen aussi, rebelle international, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le king du rock'n'roll, mais en fait, il fait ça, la première chanson pour sa maman, il va faire son service militaire, il est entouré par les caméras, on rentre dans le rock'n'roll business quand même avec Elvis, c'est le Hollywood, il faut pas perdre ses concerts à Las Vegas, etc. On rentre là-dedans. Avant d'aller à Las Vegas, il va revenir du service militaire, d'ailleurs, il va plus se consacrer à sa carrière cinématographique, à la musique, et il faudra qu'il fasse des émissions à la télé pour relancer sa carrière musicale, et c'est à partir de là qu'il va aller à Las Vegas, où effectivement il va devenir un petit peu une... caricature de lui-même. Oui, on est plus sur le rock'n'roll rebelle qui est graine de violence. On est sur autre chose. Ouais. On s'écoute un petit peu Nick Cave, Tupelo, et ensuite That's Alright Mama, et on revient sur le vrai bon rock'n'roll. Mama rock your little one slow, mama rock your baby, mama rock your little one slow, tie up a tupelo, tie up a tupelo. Thank you. she done told me, Papa told me too. The life you live inside now, women be the death for you. That's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Yeah, man. Two is four. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right. Parce qu'il est bon, il est bon le musicien qui joue là. Sympathique. Il y a une jolie voix aussi. Ah, j'ai pas eu de valise ça. Ouais, donc on est toujours sur Radio Mon Pays 90.1. Vous êtes sur l'émission Blood at Roots et on parle toujours de la musique du diable, ce fameux rock'n'roll. Alors, la musique du diable, c'est pas le blues aussi à une époque ? Oui, ça oui, évolué, mais le diable s'est déplacé, tu vois. Il est partout, donc on parle toujours de rock'n'roll. Et puis on va passer un petit peu de Carl Perkins, cet artiste. Sur le rock'n'roll, tu expliquais tout à l'heure, outre l'affrontement intergénérationnel, le côté, ce qui mettait mal à l'aise les Wasp, c'est cette notion de disque qui était proche entre... comme quoi ils ne voulaient pas mélanger les disques noirs avec les disques blancs, quoi. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant sur l'évolution. Ensuite, alors, est-ce que je l'ai dit juste avant ou pas ? Ouais, non, mais c'était pour dire qu'en fait, le rock'n'roll, c'était une étiquette marketing qui a été inventée pour éviter de se faire mélanger les disques de noirs, la musique ethnique, comme il l'appelait à l'époque, la Negro Music, mec. Il mettait. Et puis, cette musique. De blanc, ils avaient beau, ces marketeurs, pas forcément souscrire à cette musique du diable jouée par leur congénère, si j'ose dire. Enfin, j'ai pas le mot pour le dire. Mais il était hors de question qu'il y ait des bacs qui mélangent les deux couleurs. Quoi. Et ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que la légende voudrait que les premiers concerts où blanc et noir aient dansé ensemble, c'est le concert de Chuck Berry. Ouais, c'est vrai. Donc il y a toujours cette tension, on fait des choses, mais finalement la musique est plus forte. Et alors à la même époque, et on en avait déjà parlé avec Ornette Coleman, mais t'as des groupes de jazz où ils commencent, je parle de Ornette Coleman, mais parce que t'as un certain batteur, Bill Hayden, si je dis pas de bêtises, qui est blanc et qui joue dans le quartet d'Ornette Coleman. Et ce premier album, on les verra remplis au complet, les trois musiciens... dont Charlie Hayden qui sera blanc, c'est This Is Our Music. C'est pas celle des noirs ou des blancs, c'est ça commence à être. Voilà. Et on est à la même époque, c'est This Is Our Music, c'est 53, je pense, 54 peut-être. Donc, on voit bien que il commence à y avoir des mélanges raciaux, culturels dans la musique à cette époque. C'est dans les années 50 que ça se joue un petit peu, quoi. Et puis après, ça va ruisseler, vers les mouvements sociétaux. Voilà. Mais je sais plus où j'en étais. T'étais à Carl Perkins. Carl Perkins, donc oui. Bon, mais là, ouais. Il vient d'un milieu agricole. Tu peux le croire, il a travaillé dans des champs de coton quand il était jeune, avec des noirs. Il y a appris le gospel, le blues le soir, parce que la journée on chantait le gospel, le soir on chantait le blues, et puis de la guitare aussi en écoutant la radio. Il a commencé chez Sun Records après avoir entendu Elvis à la radio, et puis il a eu la reconnaissance, la carrière qu'on a connue. On écoute Carl Perkins avec son Blue Suede Shoes, Honey Don't et Matchbox qui sera repris par les Beatles quelques années. Et Blue Suede Shoes qui sera repris par Elvis notamment. Et tant d'autres. Voilà, tant d'autres. Slander my name all over the place and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Car, you drink my liquor from my old fruit jar. You do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Right. For the show, free to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. When you won't, you tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Oh, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. No, honey, don't. Hey, honey, don't. Say you will. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. So, hey, honey, don't. Thank you. don't look right. You've been out of painting the town. Uh-huh, baby, been slipping around. So, uh-uh, hey, honey, don't. Well, tu vas faire, Pierre-Julien, pour revenir dans les années 50, alors qu'on était là plutôt dans les années 60, enfin même pas, ouais, c'est 60, 70. Alors, c'est tout simple, je vais faire comme dans Retour vers le futur, je vais mettre une paire de Nike. Jingle, alors, il l'a pas fait. Je vais mettre une paire de Nike, une bouée de sauvetage et enfin Retour vers le futur, quoi. Voilà, tu l'as compris, c'était de l'humour et ça fait jamais trop de mal. Et puis, voilà, on va encore écouter du rock'n'roll. On est là pour ça. Tellement bien, rock'n'roll. Vu que c'est le plus 2, je rappelle, de rock'n'roll, il y aura nos plus 3. Ouais. Peut-être en juillet. À voir. Ouais, ça reste. Ouais, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Et on va écouter Jerry Lewis. Vous le connaissez. Ben oui, parce que c'est l'un des plus grands rockers qui est encore en vie d'ailleurs aujourd'hui. On se demande comment il fait pour être encore en vie. Comment il fait? Parce que, se demande, parce qu'il a eu une vie d'alcoolique, de drogué, il a été marié plusieurs fois. Sachant que, sachant que le plus grand rocker français est mort il n'y a pas très longtemps, Dick Rivers. Absolument. Si pas celle-là. ouais, effectivement. Ouais. Et Jerry Lewis, l'archétype du bad boy qui a fait tout et n'importe quoi d'ailleurs, qui a été marié plusieurs fois, dont pendant 13 ans à sa cousine de 13 ans. Voilà, il y a un truc dans les chiffres là. Mm-hmm. Il aura survécu à deux de ses enfants. Et puis il y a un soir où il va jouer justement en compagnie d'un autre artiste qu'on a écouté tout à l'heure, Chuck Berry, voilà, où il pouvait pas être tête d'affiche parce que c'était celui qui vendait le plus de disques qui était en tête d'affiche. Donc Chuck Berry qui se retrouve voilà à jouer en dernier, et puis Jerry Lewis qui est bien emmerdé, donc il va faire le concert de sa vie, il va enflammer son piano et il va lui dire à Chuck Berry, joue après ça. Rigolo. Surnommé le killer, bon mais voilà, enfin. Et puis Bruce Springsteen qui déclare en 95, cet homme ne joue pas le rock'n'roll, il est le rock'n'roll. Bah, sur le côté, comme on disait, rebelle intergénérationnel ou même rebelle tout court, vous allez tous vous faire foutre, oui. C'était certainement ce que disaient les punks plus tard dans les années 80. Enfin, lui, il l'a fait très longtemps. Il l'a fait en grandeur réelle. Il a quand même été loin. Il épousait sa cousine de 13 ans, quand même. Lui qui vient du Sud, enfin, là où en termes de religion, c'est... Non, oui, c'était quand même l'incarnation de rock'n'roll, peut-être l'incarnation du diable. C'est un peu ça, parce que c'est pas très moral tout ça, quand même. Mais il nous gratifie d'une musique rapide, avec une technique au piano, rapide encore une fois. Avec les oreilles, avec les fesses, avec les doigts, tout. Avec tout, il montait dessus. Piano, avec bon, tout. Une bête en feu, ce Jerry Lewis. D'ailleurs, le premier titre qu'on va écouter, ça s'appelle Great Balls of Fire. Donc, je pense que l'image est assez claire. Whole Lotta Shaking Going On et You Win Again. Donc, c'est Jerry Lewis et c'est tout de suite sur Radio Montpellier, dans Blow That Throat. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shield. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails down and I twitch all my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Cheers. shake it, baby. Yeah. You can shake it one time for me. Has to come over, baby. Oh, Lord, she ain't going. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got some. Yeah. Now let's go one time. Is out all over town that you've been seen out running around. I know that I should leave the inn. I just can't go. You went again. This heart of mine could never see what everybody knows but me. Just trust in you was my great sin. What can I do? You win again. Voilà, donc on était sur Jerry Lee Lewis, le dernier représentant vivant du rock'n'roll. Et puis, bah, voilà, enfin, on a écouté un peu le plus grand déjà, mais il y en a d'autres et on va en parler aussi. Dick Rivers, oui, oui, c'est, voilà, ça c'était pour le côté français. Mais d'ailleurs, en France, le rock'n'roll, ça a été la réponse française au phénomène américain. Enfin, on voit au début Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, qui, et peut-être même Dick Rivers, qui imite les codes américains dans une logique de soft power qu'on connaît quoi, de la part des Américains avec leur industrie culturelle. Et qui reprennent les titres, entre autres. Ouais. Donc, on va faire une petite transition. Ah oui, c'est ma minute rubrique. c'est ma petite rubrique, c'est mon petit clin d'œil à ce qui se passe un petit peu, ça s'est un peu calmé, enfin pas trop, enfin, à ce qui se passe en termes d'actualité, notamment aux États-Unis, parce qu'on est aux États-Unis là, et sur le côté racisme, enfin racisme tout simplement. Ça reste aussi la thématique de l'émission, hein, des mouvements des droits civiques. Et en ce moment, on voit des manifestations importantes. Voilà, à la suite, par exemple, de la mort de George Floyd, qu'on peut mentionner quand même, dans la logique de notre émission d'ailleurs. Voilà, enfin, je veux dire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je tenais à faire un petit clin d'œil, mais un petit clin d'œil rock'n'roll, c'est-à-dire que le rock'n'roll, à ma connaissance, il n'a pas trop revendiqué. Cette notion-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement intergénérationnel, enfin, de lutte, je reproche ça, je suis un rebelle par rapport à mes parents, mais pas forcément par rapport à, comme le blues ou le jazz, par rapport à je suis black et je vis ça. Enfin, il n'y a pas ce message dans le rock'n'roll. Alors, par contre, bah là, on a sélectionné trois morceaux de trois chanteurs différents, un afro-américain, qui va être un des plus grands chanteurs de notre siècle, Ray Charles. Donc ça c'est pour le côté pour l'ethnie afro-américaine, un blanc, Roy Orbison. Alors Roy Orbison très fort, alors pas forcément sur cette chanson qui mais très fort dans ce que tu expliquais sur le côté country. Alors, je sais jamais le terme, tu sais, le yodel, on parlait l'autre fois. Voilà, et Roy Orbison est pas mal. Alors ça sent pas trop sur ce morceau qu'on va écouter. Roy Orbison, c'est la personne qui a écrit Pretty Woman, c'est certainement le titre le plus connu. C'est pas le titre qu'on va écouter. Donc voilà pour l'ethnie Wasp, Roy Orbison. Donc, alors Roy Orbison, on parlait en termes de vie. Pareil, hein, le mec, il perd sa première femme par un accident de moto. Ensuite, il en tourne en Europe et deux de ses fils meurent dans un incendie de sa maison. Enfin, une vie compliquée, hein, Roy Orbison. Et alors le troisième, alors vie encore plus compliquée parce que très très courte, Richie Valens. Donc là, c'est pour la minorité chicanos, mexicaine, qui était le premier chanteur rock'n'roll mexicain, avec un titre que tout le monde connaît parce que ça a été repris par un film, par un groupe qui s'appelait Los Lobos, La Bamba. Richie Valens, qui est mort à 17 ans. Accident d'avion qu'il a pris. Alors, en tirant au sort avec d'autres chanteurs, il faisait une tournée. Il y avait une tempête de neige. Alors, je sais pas si c'était l'Oklahoma ou l'Iowa. Enfin, bref, tempête de neige, il tire au sort, qui monte pas. Et dedans, il y avait notamment Buddy Holly, donc on écoutera tout à l'heure. On va écouter juste après. Qui annonce aussi un peu la fin du côté rock'n'roll, ce qu'on disait tout à l'heure, qui va perdre un petit peu de sa saveur après pas mal d'événements. Effectivement, le fait qu'Elvis parte faire l'armée, le fait que Buddy Holly se crash avec Richie Valens en avion. Que Little Richard se pasteurise. Et donc voilà, tout ça, tous ces éléments reliés les uns aux autres font que le rock'n'roll perd un petit peu de sa saveur rebelle. Et d'ailleurs, dès 1959, la bonne société bourgeoise wasp américaine se targue d'avoir réussi pratiquement à tuer le rock'n'roll. Ouais. Sauf qu'en fait, si le son rock'n'roll meurt à peu près à cette époque-là, mais il y aura tout l'esprit qui va découler de cette musique et dont on va parler un petit peu aussi par la suite, parce que bon, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd toute cette affaire quand même. Effectivement, il y en a qui vont s'en saisir et qui vont relancer tout ça. Bref, on envoie les trois morceaux. Petit clin d'œil à l'actualité sur le côté antiraciste. Enfin voilà quoi. La musique elle est universelle. On est tous blancs, mexicains, afro-américains. Bref, c'est de la bonne musique. On se fait plaisir. Ray Charles, Roy Orbison et Richie Valens. Treat me wrong. to do. Forget about your women and that water can. Today you're working for the man. La petite contribution de Blue Dot Roots à ce qui se passe actuellement, le rock'n'roll afro-américain, blanc et mexicain. Il est 20h46, Blues Roots, Radio Bon Pays. On va dérouler tranquillement la suite de Rock'n'Roll, Pierre-Julien. Ouais, absolument. On va écouter d'ailleurs l'artiste qui était présent aux côtés d'un des chanteurs qu'on vient d'écouter. Ritchie Valens. Hein. Ouais, Ritchie Valens, c'est ça, ouais, à 17 ans. Et ben Buddy Holly, il avait 22 ans et c'était en 1959, je crois. Hein. Ouais. Et Buddy Holly, bon, parent du rock'n'roll aussi, hein, qui va être beaucoup repris par, qui va beaucoup influencer des gens comme Bob Dylan ou Jimi Hendrix, par exemple, et même les Beach Boys, dans un style plus californien. Mais Buddy Holly était californien, d'ailleurs. Ok. Et puis... Ce qui est bien, c'est que Pierre-Julien, il se fait les questions, les réponses, et il se note. Ok, voilà. Ok, c'est bon. Là, j'ai bon. C'est bon. D'un autre côté, petit clin d'œil, on n'a pas notre band test ce soir. Petit clin d'œil à Nakamura. À Julien. Julien Courbeau, DJ Bisou. J'aimerais bien DJ passer Bisou. Un petit clin d'œil aussi à Thomas et Alexandra qui nous ont aidés à dresser la playlist de ce soir, hein, des amis d'Anthony. Voilà, donc Anthony, on lui fait aussi un petit bisou. Si je voudrais aussi passer un petit clin d'œil à Julien qui n'est pas là parce qu'il a un petit problème de clavicule. Si tu étais un peu plus avec nous, malgré la séparation, on a salué Julien déjà. Désolé. Mais il n'empêche. Mais on lui fait un gros bisou. Ouais, Julien, bientôt de retour aux manettes ou derrière les micros. On lui fait le couteau suisse de l'émission. Il fait tout. C'est ça. Et donc, on va écouter Buddy Holly, on va écouter Dick O'Crane aussi, donc pour Buddy Holly, That'll Be The Day, Peggy Sue, grand classique du rock'n'roll, et puis pour Dick O'Crane, le Summertime Blues et Come On Everybody. Et on vous parlera très certainement de la prochaine émission. Vous êtes toujours sur Radio Mon Pays, Blue Dat Roots, le super son des 50s continue. Down. Oh, well, I went to see a guy. faut parler. Et donc on va parler sur ce fond de rock'n'roll pour vous lancer la prochaine émission, la dernière émission de la saison, qui aura lieu le 24 je crois que c'est le 24 juillet, vendredi 24 juillet, pour clôturer l'année 2020, qui a été compliquée, mais compliquée pour tout le monde. Absolument. Ça sera la dernière, et on vous retrouvera après en septembre, sans souci. On se retrouve en juillet d'ailleurs. En juillet, avant d'abord, juillet, ouais. Ou 24 juillet, comme je viens de dire. Et puis après, voilà, on reprendra en septembre normalement, quoi. Bah, que dire, bah, nous on était super contents de vous retrouver pour Glutat Roots, voilà, pour ce ouais, pour reprendre après, notre périple voilà, historique sur la musique afro-américaine. On a fait une petite parenthèse confinement il y a un mois. Là, ça fait, ouais, on est reparti sur notre rythme tranquillou. Voilà. Avec cette émission sur le rock'n'roll, donc vous avez compris un peu où on voulait en venir, je pense. Cette musique voilà, qui crée des ruptures un peu générationnelles, qui mélange un peu les genres, où on a de l'expérimentation, voilà, où il y a vraiment des influences à la fois R&B, country, donc des musiques rurales et urbaines à la fois. Et puis surtout qui va ouvrir la porte après à plein d'autres styles musicaux. Qui va servir au soft power américain d'ailleurs, je pense, un petit peu quand même. D'ailleurs, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, Johnny Hallyday, des mecs comme Eddie Mitchell, tout ça, c'est un peu les réponses françaises à des gens comme Elvis. Claude François aussi, au tout début. Non, mais si, non, c'est vrai. C'est pas un test de. Il faudra en faire une émission. Mais peut-être. Tant qu'à faire, autant être carré, hein. Ouais, si, il n'y a pas toutes ces générations-là, quoi, ouais. Bien sûr. Donc, ben, nous, on vous dit bonne soirée. On est content de vous avoir présenté tout ce rock'n'roll. Donc, on était avec Benoît La Technique, Stéphane qui nous a rejoint voilà, un petit peu après le début de l'émission, et puis votre humble serviteur. Et à savoir que peut-être juillet, ça sera l'opus 3 de rock'n'roll, peut-être pas, mais voilà. Et puis il faudra qu'on vous parle de trucs aussi pour l'année prochaine, ouais, certainement. Ouais. On en reparlera de ça. Ça se met en place. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée en musique sur Radio Mon Pays. 89. C'était Glutat Roots. 89.10.